السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. Certes, toutes les louanges reviennent à Allah. Nous le louons et lui demandons aide et pardon. C'est auprès d'Allah que nous cherchons protection contre le mal de nos âmes et les méfaits de nos actes. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. J'atteste et témoigne qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah, lui seul, sans associé, et je témoigne que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et messager. Ceci est le deuxième cours de l'explication du poème intitulé Al-Lamiyya, écrit par le grand savant Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, comme on a dit hier. Ce poème traite sur le domaine et le sujet de la croyance, et plus particulièrement sur la croyance concernant certains attributs d'Allah, et comme nous allons voir, ainsi que la croyance au jour du jugement dernier. On a également dit, à propos du premier vers, que le shir va répondre dans ce poème à toute personne qui l'interroge au sujet de sa croyance, dans le but d'être guidé. Et comme cela est connu, la croyance du shir n'est autre que la croyance authentique, basé sur le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Il dit ensuite dans le deuxième vers: Isma' kalam muhaqqiqin fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu. La traduction approximative du vers, le shir dit: écoute la parole de quelqu'un qui s'assure de ce qu'il dit. Écoute la parole de quelqu'un qui s'assure de ce qu'il dit. Il ne s'en détourne pas et en rien ne la modifie. Ici, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, hafidhahullah, nous informe que tout ce qu'il va citer, tout ce qu'il va prononcer comme parole dans ce poème au sujet de la croyance, que tout ceci est vérifié avec maîtrise de sa part. Qu'il ne s'en détourne pas et qu'il ne modifie en rien celle-ci. Ici, on peut se poser la question: pourquoi Cheikh l'Islam, ici, est-il si sûr de lui? Pourquoi Cheikh l'Islam est-il si sûr de lui? On répond: car il s'est assuré de tout cela avec maîtrise, avec maîtrise, avec science. Et surtout, car tout ce qu'il va citer est basé et fondé sur des preuves du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension, comme on a dit précédemment, des salafs parmi les compagnons, puis les grands imams qui les ont suivis de la meilleure des façons. Dans ce vers, le shir éclaircit, dans le vers que nous avons cité précédemment, c'est-à-dire « écoute la parole de quelqu'un qui s'assure de ce qu'il dit, qui s'assure de ce qu'il dit. Il ne s'en détourne pas et en rien ne la modifie. Et en rien ne la modifie. » Le shir ici éclaircit une caractéristique parmi les caractéristiques des gens de la sunna, qui est la fermeté et la patience sur la guidée. La fermeté et la patience sur ce droit chemin, sur cette croyance authentique, sans laisser de place au doute. Et ceci contrairement aux gens de l'innovation, qui eux changent souvent de voie. Une des plus grandes catastrophes, mes frères et sœurs, c'est l'égarement après avoir été guidé. L'égarement après avoir été guidé. Le compagnon, Hudhayfah ibn al-Yamen, a dit, radiyallahu anhu, « Inna al-dalalata haqq al-dalalati an ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkira ma kunta ta'rif wa iyyaka والتلون في دين الله وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. Il dit ici en français, Certes, l'égarement, le réel égarement, est que tu approuves ce que tu blâmais auparavant. Que tu approuves ce que tu blâmais auparavant. Et que tu blâmes ce que tu approuvais auparavant. Après, il met en garde et prend garde à la versatilité, c'est-à-dire à l'inconstance et l'instabilité dans la religion. Car la religion d'Allah n'est qu'une, elle est unique. Fin de citation. Ici, la parole de Huzaifa nous montre bien que le fait de changer, de ne pas être ferme sur sa religion, est un égarement. Et que la religion d'Allah n'est qu'une et non plusieurs. Et non plusieurs. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: An Abdillah ibn Mas'udin radiallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam khatta khattan mustaqiman faqal hadha sabilullah thumma khatta khututan an yaminih wa shimalih وقال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Le compagnon de Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait droit. Et il dit ensuite, à propos de ce trait droit, ceci est la voie d'Allah. Ceci est la voie d'Allah. Ensuite, il traça des traits sur la droite et la gauche de ce trait droit. Et a dit, sur chacune de ces voies, il y a un shaytan qui appelle à sa voix. Ensuite, il lut ce verset. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Fin de citation. Donc, le chemin d'Allah, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Celui qui emprunte un autre que celui-ci sera certes dans un égarement clair. Qu'Allah nous en préserve. Il nous incombe donc de rester ferme sur celui-ci et de patienter dessus. As'al Allah Azza wa Jal an yuthabbitana wa iyyakum ala al-haq. Qu'Allah nous guide et nous raffermisse sur ce droit chemin. Parmi les plus grands bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a octroyés, il y a le fait qu'il nous ait guidés sur l'islam authentique, sur le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Il nous est obligatoire, ainsi, de faire beaucoup d'efforts pour ne pas s'écarter de ce chemin et rester ferme dessus. Et parmi les causes et les moyens qui nous permettent de rester ferme sur cette voie droite, et de ne pas s'en détourner, il y a le fait, premièrement, de se cramponner au Coran et à la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Parmi les preuves concernant ce sujet, la parole d'Allah Azza wa Jal qui dit dans le Coran: Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dont la traduction rapprochée du sens est: et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Fin. Le câble d'Allah ici signifie le Coran et la sunna du prophète. Signifie le Coran et la sunna du prophète. Et dans un autre verset, il dit aussi Subhanahu wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. C'est le verset que nous avons cité plus haut. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Allah Azza wa Jal ici nous ordonne de suivre son chemin et il nous informe, subhanahu wa ta'ala, que celui qui suit un autre que ce chemin, alors ceci le mènera à l'égarement. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. La traduction rapprochée du sens dit: Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous nous détournerons de lui comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination! On comprend de ce verset que celui qui ne s'accroche pas à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'en sépare, qu'il sera dans un égarement évident. Cela nous incite et nous pousse donc à rester ferme sur la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ne pas s'en détourner. Ensuite, et d'après le hadith de Ibn Abbas, radiallahu anhuma, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a prononcé un sermon pendant le pèlerinage de l'adieu, en disant: Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a prononcé un sermon pendant le pèlerinage de l'adieu en disant: Inni tarikun fikum ma intamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati. La traduction du sens ici: Certes, je vous laisse deux choses. Si vous vous y accrochez fermement, vous ne serez jamais égarés. Vous ne serez jamais égarés. Le livre d'Allah et ma sunna. Le sens du hadith, walillahi alhamd, est clair. On compte, deuxièmement, parmi les causes et les moyens de rester ferme sur cette voie droite, sur cette croyance authentique, le fait de s'attacher à la pratique des compagnons et de les prendre pour modèle. La preuve de ceci est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que j'ai citée précédemment d'ailleurs, qui est: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. On avait dit la traduction approchée du sens ici: Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous nous détournerons de lui comme il s'est détourné. Jusqu'à la fin du verset. Donc Allah ici dans ce verset il dit: et suit un sentier autre que celui des croyants. Les croyants ici c'est-à-dire les compagnons du prophète. Et suit un sentier autre que celui des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On comprend donc de la parole d'Allah que celui qui se détourne de la voie des compagnons du prophète ce sera alors détourné de la voie droite, qu'Allah nous préserve de ceci. On a aussi comme preuve concernant le fait de s'attacher à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la parole où il dit: Sataftariqu ummati ala 73 firqatan, kulluha finnari illa wahida. Ici, il dit: ma communauté va se diviser en 73 sectes. Ma communauté va se diviser en 73 sectes. Tous sont destinés à l'enfer, sauf une. Sauf une. Il lui a été dit: wa ma hiya ya Rasulallah. C'est-à-dire, qui est ce groupe, ô prophète d'Allah? Qui est ce groupe? C'est-à-dire, qui est ce groupe sauvé de l'enfer? Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, c'est-à-dire le groupe qui suit ce que mes compagnons et moi pratiquons. Le groupe qui suit ce que mes compagnons et moi pratiquons. Ou sinon on peut dire ce sur quoi moi je suis et mes compagnons aujourd'hui. Walhamdulillah. On a aussi comme preuve ou comme autre preuve concernant le fait de suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa parole où il dit: فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Le sens du hadith est: certes, celui qui vivra d'entre vous verra beaucoup de divergences. Attachez-vous alors à ma sunna, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à la sunna des califes bien guidés après moi. Mordez-y à pleines dents. Donc ici le prophète nous montre clairement que celui qui s'attache à sa voie, ainsi qu'à la voie des califes bien guidés parmi les compagnons, alors il restera, incha'Allahu ta'ala, ferme sur le droit chemin. Ferme sur le droit chemin. Troisièmement, également, parmi les causes qu'on peut citer afin de rester ferme sur cette voie, il y a le fait de s'attacher aux conseils et recommandations des savants de la sunna. Aux conseils et recommandations des savants de la sunna. Ceux qui s'accrochent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la défendent, ainsi que revenir à eux lors des épreuves et des discordes. Les anciens savants comme les savants de notre époque. Hafizahumullah. Et ceci, car ils sont les héritiers des prophètes, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et également parce qu'Allah azzawajal les a distingués et les a mis en avant par rapport aux autres dans son noble livre. Il dit, subhanahu wa ta'ala, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Le sens du verset dit, parmi ses serviteurs, seuls les savants le craignent. Seuls les savants le craignent. Et Allah Azzawajal dit aussi, au sujet des mérites des savants, il dit, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Le sens ici est, Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Et ceux qui auront reçu le savoir parmi les savants. Les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala ici nous montrent très clairement que les savants ont un mérite sur nous. Quand on sait cela, il nous faut donc connaître les savants de la sunna de notre époque, afin de revenir à leurs recommandations et conseils. À titre d'exemple, on compte parmi ceux qui sont morts, rahimahumullah, les grands savants tels que Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz et Cheikh Al-Albani, ainsi que Cheikh Al-Uthaymin et Cheikh Muqbil Al-Wadi'i, rahimahumullahu jami'an, et bien d'autres encore. Walillahil hamd. Et parmi les grands savants qui sont encore vivants, qu'Allah les préserve, il y a Cheikh Rabi' Al-Metrali et Cheikh Salih Al-Fawzan, ainsi que Cheikh Ubaid al-Jabiri et Cheikh Abdullah al-Bukhari et d'autres encore, qu'Allah les préserve. Walhamdulillah. Et comme j'ai dit dans l'introduction, pour les francophones qui n'ont pas accès à la langue arabe, j'insiste, vous trouverez par la grâce d'Allah la traduction de beaucoup de livres, ainsi que la traduction de paroles de ces grands savants et d'autres encore dans les sites francophones que j'ai cités précédemment. Que j'ai cité précédemment dans le premier cours. Quatrièmement, on compte parmi les grandes causes pour ne pas se détourner de cette voie droite et rester ferme sur celle-ci, le fait de ne pas prêter l'oreille aux innovateurs ainsi qu'aux gens de l'égarement. Allah Azzawajal dit: Le sens rapproché ici, quand tu vois ce qui patauge dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors, dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Ne reste pas avec les injustes. Les gens de l'innovation sont donc considérés par Allah subhanahu wa ta'ala comme étant des injustes. Et Ibn Abbas, radiallahu anhu, dit à propos de ce verset, دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة. Entre dans le sens de ce verset, tout innovateur dans la religion jusqu'au jour de la résurrection. Naam. On a aussi la parole de Ibn Jarir et Tabari, rahimahullah, qui dit également à propos de ce verset: Fi hadhihi al-aya ad-dilalatu al-wadhiha ala an-nahy an mujalasati ahli al-batil min kulli naw'in min al-mubtadi'ati wal-fasaqah 'inda khawdihim fi batilihim. Il dit en français: il y a dans ce verset la preuve claire sur l'interdiction de s'asseoir avec les gens du mensonge de toutes sortes, d'entre les innovateurs et les pervers, quand ils se livrent à leurs mensonges. Fin de citation. Alhamdulillah, les paroles sont claires ici concernant la parole d'Allah. Et aussi, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a décrit ces personnes. Il les a décrits comme étant des prédicateurs aux portes de l'enfer. Il dit, alayhi salatu wa salam, du'atun ala abwabi jahannam. Man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha. Le sens ici, des prédicateurs aux portes de l'enfer. Le prophète il dit, des prédicateurs aux portes de l'enfer. Ils appellent les gens vers celle-ci. Quiconque répond à leur appel, ils le poussent, c'est-à-dire eux, le poussent, les jettent dans celui-ci, c'est-à-dire dans l'enfer. Cela suffit comme preuve, incha'Allah ta'ala, afin de s'éloigner des gens de l'innovation et de l'égarement et de ne pas prêter oreille à ces gens-là au risque de se voir détournés du droit chemin. Wallahu musta'an. Et bien sûr, à côté de toutes les causes citées précédemment, il ne faut surtout pas négliger l'invocation. Il ne faut surtout pas négliger l'invocation. Invoquer Allah sincèrement. Invoquer Allah sincèrement. Il est rapporté à ce sujet que parmi les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait souvent, sa parole « Ya muqallib al-quloub, thabbit qalbi ala dinik » qui signifie en français « Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait souvent cette invocation. Alors que c'est le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah azza wa jal a choisi comme messager et prophète. Alors qu'en est-il de nous? Wallahu al-musta'an, qu'en est-il de nous? Personne d'entre nous, ya ikhwa, personne d'entre nous n'est à l'abri de tomber dans l'égarement ou les ambiguïtés. C'est pour cela qu'il nous incombe et nous est obligatoire de faire souvent cette invocation. De faire souvent cette invocation. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Qu'Allah nous raffermisse sur sa religion. Ensuite, Cheikh l'Islam dit dans le troisième vers: Hubbu sahabati kullihim li madhhabu wa mawaddatu al-qurba biha atawassalu. Le sens du vers: l'amour de tous les compagnons est pour moi une croyance et je me rapproche d'Allah par l'amour que j'ai envers les proches, c'est-à-dire la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On commence ici par l'explication de la première moitié de ce vers. Hubbu sahabati kullihim li madhhabu. L'amour de tous les compagnons est pour moi une croyance. Le mot sahaba, comme il est cité dans le vers, est le pluriel de sahabi en arabe, c'est-à-dire un compagnon. Et qu'est-ce qu'un compagnon du prophète? Qu'est-ce qu'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le compagnon du prophète, c'est celui qui a rencontré le prophète tout en croyant en lui, alayhi salatu wa salam, et qui décéda avec cette croyance. Dans le début de ce troisième vers, le cheikh va nous citer un fondement important parmi les fondements des gens de la sunna et une des croyances des gens de la sunna, qui n'est autre que l'obligation d'aimer tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de s'attacher à leur voie, de les suivre. Ils ont des mérites sur toute personne qui vient après eux, car ce sont eux les pieux prédécesseurs. Ce sont eux qui nous ont fait parvenir cette religion. Ce sont eux qui nous ont rapporté le Coran. Ce sont également eux qui nous ont rapporté les paroles et actions du prophète alayhi salatu wa sallam. Ce sont eux qu'Allah a choisis pour nous rapporter cette religion tout entière. Ce sont donc ici des mérites immenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Ainsi, ce mérite, c'est-à-dire le mérite d'avoir été compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas d'égal. Ce mérite n'a pas d'égal. Ce fondement, mes frères, concerne donc le droit des compagnons du prophète, alayhi salatu wa salam, qui sont la meilleure des générations, comme il a dit, Khayrukum qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Il dit, les meilleurs d'entre vous sont ma génération, c'est-à-dire la génération du prophète et ses compagnons, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Donc, ces générations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées ici sont les meilleures des générations. Et la meilleure des générations est celle des compagnons, radiallahu anhum, qu'Allah les agrée. Leurs mérites sont nombreux, et les preuves concernant leurs mérites, l'obligation de les aimer, de s'accrocher à leur voie et de les suivre sont nombreuses dans le Coran et la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah, Azza wa Jal, a fait l'éloge dans son livre et il dit: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. La traduction rapprochée du sens, les tout premiers croyants, on parle des compagnons, il dit, les tout premiers croyants parmi les émigrés qui ont émigré à Médine, et les auxiliaires, ceux qui étaient déjà à Médine, et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, de la meilleure des façons, Allah les agrée, Allah les agrée, et il l'agrée, c'est-à-dire qu'ils agréent ce qu'Allah leur a accordé comme récompense. Il a préparé pour eux, Allah il dit, il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Fin du verset. Ce verset ici est donc une preuve concernant l'amour d'Allah envers les compagnons, plus particulièrement les émigrés et les ansars. Ce verset prouve aussi qu'Allah Azzawajal les a agréés et a agréé de leurs actes. Il les a agréés et a agréé kadhalik leurs actes d'adoration. Donc, si tel est le cas, qu'est-ce qui nous incombe à nous? Il nous incombe de les aimer car Allah les aime. Il nous est obligatoire de les suivre car Allah Azzawajal dit qu'il est satisfait d'eux et de ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Et il dit également qu'il a accordé le paradis aux compagnons et à qui d'autre? Et à ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Ainsi, si nous voulons qu'Allah Azzawajal soit satisfait de nous et qu'il nous fasse entrer au paradis, nous devons donc suivre les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ceci est clair, alhamdulillah. Et il dit également, subhanahu wa ta'ala, dans son livre, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Allah a très certainement agréé, la traduction ici c'est rapproché du sens, Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Qui sont les croyants ici? Qui sont les croyants ici dans le verset? Ce sont les compagnons du prophète. Ce sont les compagnons du prophète, alayhi salat wa salam. Une autre preuve aussi, Allah dit dans un autre verset, Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. La traduction rapprochée ici, Mohammed est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Fin du verset. Dans ce verset, Allah Azzawajal fait l'éloge des compagnons. Et les décrit comme étant des personnes qui font beaucoup d'actes d'adoration, beaucoup de prières. Dans sa parole, tu les vois inclinés, et prosternés. Tu les vois inclinés et prosternés. Ce qui veut dire qu'Allah Azzawajal dit de eux, il les décrit comme étant des personnes qui font beaucoup d'actes d'adoration, beaucoup de prières. Et il les décrit également comme étant sincères. Il décrit les compagnons comme étant sincères dans leurs actes d'adoration et qu'ils souhaitent l'agrément d'Allah. Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Recherchant d'Allah grâce et agrément. Alhamdulillah. Dans un autre verset, Allah décrit al-muhajirun. Al-muhajirun, c'est-à-dire ceux qui ont émigré de la Mecque à Médine. Il les décrit comme étant des véridiques. Ceci est une éloge, subhanallah, d'Allah Azzawajal envers les compagnons du prophète. Allah dit: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. La traduction rapprochée du sens: il appartient aux émigrés besogneux qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah, et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager. Ceux-là sont les véridiques. Ceux-là sont les véridiques. Allah il dit des compagnons, ceux-là sont les véridiques. Ce verset montre leur vertu et leur rang auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il dit également, Allah azzawajal, à propos des Ansar, c'est-à-dire, comme on a dit précédemment, ceux qui étaient déjà à Médine, ceux qui étaient déjà à Médine, et ont accueilli les émigrés. Il dit à leur propos: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. La traduction rapprochée ici: il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, les Ansar ici, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces immigrés ont reçu. Et ils les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, Allah il dit quoi sur eux? Ceux-là sont ceux qui réussissent. Ceux-là sont ceux qui réussissent. Fin du verset. Allah subhanahu wa ta'ala, ici, affirme pour eux, c'est-à-dire les Ansar, il affirme pour eux la réussite. Et ceci est un immense mérite qu'Allah azzawajal leur a accordé. Ensuite, Allah azzawajal parle de l'état des croyants qui sont venus après eux, qui sont venus après eux, ceux qui ont suivi les compagnons du prophète de la meilleure façon, en disant: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. La traduction rapprochée du sens dit: et il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant: Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru, pour les compagnons. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Ce verset montre ce qui est obligatoire de faire envers les compagnons, radiallahu anhum, ce qui est obligatoire de faire envers les compagnons. Parmi ces choses, invoquer Allah en leur faveur. Invoquer Allah en leur faveur. Demander pour eux le pardon. Reconnaître le fait qu'ils nous ont précédés. Reconnaître le fait qu'ils nous ont précédés dans la foi, et ceci est un grand mérite. Et demander à Allah qu'il purifie nos cœurs d'avoir de la rancœur envers eux. Qu'il purifie nos cœurs d'avoir de la rancœur envers eux, comme il dit dans le verset ici, et ne met dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru, pour les compagnons. Aucune rancœur pour ceux qui ont cru, c'est-à-dire pour les compagnons. Et parmi les causes de ne pas avoir de rancœur envers eux, est de ne pas prêter oreille à n'importe qui au sujet des compagnons. De ne pas prêter oreille à n'importe qui. Naam. Et parmi les preuves dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. Il est rapporté dans les Sahihain, c'est-à-dire Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Selon Anas, radiallahu anhu, que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: le signe de la foi est l'amour des Ansar, et le signe de l'hypocrisie est la haine envers les Ansar. Les Ansar, comme on l'a dit précédemment, sont les compagnons du prophète qui étaient déjà à Médine, et ce sont eux qui ont accueilli les Muhajiroun, radiallahu anhum. Donc ici le prophète nous montre bien que le fait de les aimer, le fait d'aimer ses compagnons, est un signe de la foi, tout comme le fait de les détester est un signe d'hypocrisie, afin Allah, qu'Allah nous en préserve. Ensuite, également, fi sahihain, an al-Bara ibn Azib, radiallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, qala fi al-ansar, لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. Il est également rapporté dans les Sahihain, selon Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des Ansar: ne les aime que celui qui est croyant, et ne les déteste que celui qui est hypocrite. Celui qui les aime, Allah l'aime, et celui qui les déteste, Allah le déteste. Le hadith est clair, alhamdulillah. Et également, parmi les hadiths du prophète, An Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la tasubbu ashabi, wa fi lafdhin li muslim, لا تسبوا أحدا من أصحابي فلو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: n'insultez pas mes compagnons. Dans la version de Muslim, il dit: n'insultez aucun de mes compagnons. N'insultez aucun de mes compagnons. Si quelqu'un d'entre vous dépense l'équivalent du mont Uhud en or, il n'atteindrait pas la poignée donnée en aumône de l'un d'entre eux, c'est-à-dire les compagnons, ni même la moitié d'une de leurs poignées. Donc une montagne en or. Donc une montagne en or venant d'autre que les compagnons, c'est-à-dire une montagne en or venant de l'un d'entre nous, n'équivaut pas à une poignée remplie de l'un d'entre eux, ni même la moitié. Et ceci du fait de leur mérite et de leur rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous dit aussi: La tasubbu ahadan min ashabi, n'insultez aucun de mes compagnons. Cela contrairement aux innovateurs parmi la secte des Rawafid, des Shia, qui eux dénigrent, calomnient et insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce que nous avons cité précédemment, parmi les versets et les hadiths, tout ceci les réfute, qu'Allah leur donne ce qu'ils méritent comme châtiment. Qu'Allah leur donne ce qu'ils méritent comme châtiment. On compte aussi parmi les preuves de l'obligation de suivre les compagnons et de s'attacher à leur voix. La parole d'Allah Azza wa Jal, qu'on a citée aussi plus haut, je vais la lire en français directement, Inch'Allah. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Et si on avait dit fait scission d'avec le prophète, c'est-à-dire que la personne est dans une voie et le prophète est dans une autre voie. Et suit un sentier autre que celui des croyants. Ici, qui étaient les croyants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'étaient les compagnons. Ses compagnons, radiallahu anhum jami'an. Ainsi, on comprend de la parole d'Allah que celui qui se détourne de leur voie sera alors détourné de la voie droite. De la voie droite. Afan Allah. Afan Allah. On a aussi également la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui dit: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. وإن تولوا فإنما هم في شقاق. Le sens du verset ici, alors, si ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans une voie autre que celle d'Allah et de son messager. Ce verset nous montre clairement que dans les sujets concernant la croyance authentique, il nous faut revenir à la voie des compagnons. Il nous faut revenir à la voie des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car comme Allah a dit, alors, ici Allah il dit, dans la traduction rapprochée du sens, bien sûr, alors, si ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. Donc, comment connaître le droit chemin et la guider? En revenant à la voie des compagnons et en s'attachant à ce sur quoi ils étaient. Radiallahu anhum. Puis il dit dans la suite du verset, et s'ils s'en détournent, c'est-à-dire de la voie des compagnons, ils seront certes dans une voie autre que celle d'Allah et de son messager. Naam, naam. Et parmi les preuves dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le fait de s'attacher à leur suivi, sa parole, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. Ce hadith, on l'a également cité plus haut, mais on le répète, inshallah ta'ala. Le prophète dit ici, suivez ma sunna et celle des califes bien guidés. Ce sont les compagnons. Les quatre califes bien guidés. Et celle des califes bien guidés après moi. Attachez-vous-y et mordez-la avec vos molaires. Et prenez garde aux innovations dans la religion. Qui sont les califes bien guidés ici? Qui sont-ils? Ce sont Abu Bakr As-Siddiq, puis Omar ibn al-Khattab, puis Uthman ibn Affan et Ali radiallahu anhum jami'an. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait l'éloge d'eux en nous disant qu'ils sont les califes bien guidés, qu'ils sont les califes bien guidés, et nous ordonne, comme cela est clair, de s'attacher à leur sunna. Car eux suivaient sa sunna, alayhi salatu wa salam. Le prophète, sallallahu alayhi wa salam, dit également dans un autre hadith, Satafteriqu ummati ala 73 firqatan, kulluha finnari illa wahida. Qala as-sahaba, wa man hiya? Qal ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Ce hadith, on l'a cité aussi en début de cours. Alhamdulillah, Inch'Allah, le rappel est bénéfique. Le prophète a dit ici, ma communauté va se diviser en 73 groupes. Tous sont voués à l'enfer sauf un seul. Les compagnons ont alors dit, quel est ce groupe? Le prophète a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, ce sur quoi je suis moi et mes compagnons aujourd'hui. On tire ainsi de ce hadith que l'attachement au suivi des compagnons radiallahu anhum, est un fondement par lesquels les gens de la sunna se différencient des gens de l'innovation. Car les gens de l'égarement et de l'innovation ne donnent pas une grande importance au sujet des compagnons et du fait de les suivre. Ainsi, si nous voyons une personne critiquer un compagnon parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachez qu'il est dans un égarement évident. Comme a dit l'imam Ahmed rahimahullah, si tu vois un homme calomnier un compagnon parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache que, ne c'est pas, que ce n'est pas un croyant. Sache que ce n'est pas un croyant. Ensuite, le cheikh dit dans la deuxième partie du troisième vers, wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Et je me rapproche d'Allah par l'amour que j'ai envers les proches du prophète, c'est-à-dire les gens de la maison du prophète qui sont sa famille et ses épouses, sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce vers, le cheikh cite également que parmi les fondements des gens de la sunna, il y a le fait d'aimer les gens de la maison du prophète, de reconnaître leur mérite et leur honneur, et ceci en conformité à la recommandation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي. Le sens du hadith est les gens de ma maison Je vous fais le rappel devant Allah du droit des gens de ma maison. Le prophète, alayhi salatu wassalam, répéta cette phrase trois fois. Et ceci afin d'appuyer et de montrer l'importance et la place de sa famille, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de la sunna les aiment et les honorent, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les aime. Mais ceci a une condition. Ceci a une condition. C'est qu'ils soient croyants, qu'ils soient en conformité avec la sunna et juste dans la religion. Et juste dans la religion. Par exemple, les deux oncles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib et Abu Lahab, qui eux, n'étaient pas croyants. Donc ceux-là n'entrent pas dans la recommandation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis des gens de sa famille. Vis-à-vis des gens de sa famille. Les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, font aussi partie de la maison et de la famille du prophète. La preuve de ceci est la parole d'Allah, azzawajal, où il fait également leur éloge, où il fait également leur éloge. Innama yuridullahu li yuzhiba ankumur rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatuhira. Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison du prophète, c'est-à-dire les femmes du prophète, et veut vous purifier pleinement. Ensuite, le cheikh dit dans le quatrième vers, ولكلهم قدر عليه وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل. Ils ont tous un rang éminent et de nombreux mérites, mais le véridique est le meilleur d'entre eux. Je répète la traduction. Ils ont tous un rang éminent et de nombreux mérites, mais le véridique, c'est-à-dire Abu Bakr, est le meilleur d'entre eux. On a vu dans les vers précédents et à travers les versets du Coran et de la Sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, que tous les compagnons, que l'ensemble des compagnons avaient un grand mérite et une grande place dans l'islam. Certains ont plus de mérite que d'autres, radiyallahu anhum jami'an. Les émigrés, c'est-à-dire ceux qui ont émigré de la Mecque vers Médine, ceux-là ont plus de mérite que les auxiliaires, que les ansars. Et ceci car Allah azzawajal les a mentionnés en premier dans le verset qu'on a cité précédemment. Il les a mentionnés en premier dans le verset qu'on a cité précédemment. Et parce qu'ils ont délaissé leurs biens et leurs terres et ont émigré dans le sentier d'Allah, recherchant l'agrément d'Allah. Allah azzawajal dit à leur propos: Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu. Tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager. Naam. Et les meilleurs des émigrés sont les quatre califes bien guidés, comme on l'a dit précédemment, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, radiallahu anhum. Et le meilleur d'entre les califes bien guidés est Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhum. Qui est-il? Qui est Abu Bakr Siddiq? Il est l'honorable compagnon Abu Bakr ibn Abi Qahafa. Son prénom, ainsi que le prénom de son père, Abdullah ibn Uthman. Le prénom de Abu Bakr, c'est Abdullah ibn Uthman. Il naquit à Mecca et est le premier parmi les hommes qui est entré dans l'islam. Il est le compagnon préféré du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier des quatre califes bien guidés. Lorsque le prophète décéda, la communauté a été unanime sur le choix de Abu Bakr, radiallahu anhu. Il lui a été prêté le serment d'allégeance en tant que calife en l'an 11, de l'Hégire. S'est converti par sa cause un grand nombre de compagnons. Parmi eux, Uthman ibn Affan, Wazubayr, ainsi que Talha, ou Abdurrahman ibn Auf, et Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhum. Il est donc le meilleur de cette communauté. Et parmi ses mérites, qui ont été cités dans le Coran, la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. La traduction rapprochée du sens ici, tandis que celui qui vient avec la vérité et celui qui la confirme, ceux-là sont les pieux. Ceux-là sont les pieux. Celui qui vient avec la vérité. Allah ici, il dit, celui qui vient avec la vérité, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il dit, et celui qui la confirme, c'est-à-dire Abu Bakr, radiallahu anhu. Qu'est-ce que Allah azzawajal a dit à propos d'eux? Oulaika humul muttaqun. Ceux-là sont les pieux. Ceci est une des explications du tafsir de At-Tabari, rahimahullah. Il y a aussi la parole d'Allah Azzawajal à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Abu Bakr, radiallahu anhu, qui dit: إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. La traduction rapprochée du sens ici: si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, c'est-à-dire le prophète et Abu Bakr, quand ils étaient dans la grotte et qu'ils disaient à son compagnon, Wahoua Abu Bakr, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Car Allah est avec nous. On a aussi la parole du compagnon Ibn Omar qui dit: Kunna nukhayyiru bayna an-nasi fi zamani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fa nukhayyiru Aba Bakr, thumma Umar ibn al-Khattab, thumma Uthman ibn Affan radiyallahu anhum. Ibn Omar dit ici: on choisissait le meilleur d'entre les gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous choisissions comme meilleur Abu Bakr, puis Omar, puis Uthman. Ceci est dans Sahih al-Bukhari. Ensuite, on a la parole de Ali radiallahu anhu qui dit: Khayru hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakr thumma Omar. Il dit Ali ici en français: la meilleure de cette communauté après son prophète sallallahu alayhi wa sallam sont Abu Bakr puis Omar. Également la parole du grand imam Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah qui dit: Sahiba Abu Bakr an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam min hin aslama ila an tuwfiya wa lam yufariqhu hadaran wa la safaran illa fi ma udhina lahu fihi. وهو رفيقه في الغار قال الله تعالى إذ هما في الغار. الإمام الذهبي a dit ici: Abu Bakr est le compagnon du prophète ou accompagne le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis qu'il s'est converti à l'islam, et ceci jusqu'à sa mort radiallahu anhu. Il ne s'est pas séparé de lui, qu'il soit en voyage ou non, sauf dans ce qui lui a été permis. Et c'est lui qui était son compagnon dans la grotte, comme Allah Azza wa Jalla, comme Allah a dit, Azzawajal, quand ils étaient dans la grotte, en parlant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et d'Abu Bakr, radiallahu anhu. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et on reprendra, incha'Allahu ta'ala, demain, à partir du cinquième vers. Wa barakallahu fikum, Allah Azzawajal, an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.